Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invitent à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invitent à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler avec, Anthony Marcotte du Rocket de Laval. Le Rocket, c'est pas mal. On est pas mal à la mi-saison. Salut, Anthony. Salut, Danny. Anthony, d'abord, avant de commencer, Ilya Kovalchuk à Montréal, t'en penses quoi? Mais moi, j'ai été le descripteur des matchs du Rocket. Je vais te dire, est-ce qu'il y aurait un jeune qui aurait poussé, tu sais, un Jake Evans ou un Lucas Vedemo? Vedemo est déjà à Montréal, là. Mais qui pourrait jouer à l'aile droite pour compenser la perte de Gallagher? Ah non, je pense pas. Je pense que ce qu'on a constaté au cours des dernières semaines, là, c'est que autant Charles Hudon, Riley Barber, Lucas Vedemo, c'est des gars qui peuvent remplacer à l'occasion, mais de façon durable, de jouer sur un rôle de premier plan dans la Ligue nationale, ces gars-là ne sont pas rendus là ou n'ont pas les capacités pour jouer là. Tu me parles de Jake Evans, moi je le vois au centre, je pense que c'est là où l'organisation le voit. Depuis 2 ans qu'il est ici, il n'a jamais joué ailleurs qu'au centre. Donc, je verrais mal voir un Jake Evans rappelé pour obtenir un poste à l'aile. La différence avec Ryan Fielding, c'est qu'il avait une certaine expérience à jouer à l'aile. Même s'il jouait au centre majoritairement ici à Laval, il avait quand même joué là, des matchs importants au Mondial Junior l'an passé, entre autres à l'aile. Donc, c'est entre autres pour ça là, qu'on lui a donné un rôle à l'aile dans son rappel actuel à Montréal. OK. Maintenant, je vais te parler du Rocket de Laval. On est à la mi-saison et le Rocket a une fiche de 17 victoires, 14 défaites et 3 défaites en prolongation pour 38 points. C'est une année importante. Moi, j'avais dit il faut que le Rocket fasse les séries cette année. Est-ce que c'est décevant ou c'est quand même pas si pire? Bon, c'est une équipe qui a perdu beaucoup d'éléments. Hein. Évidemment, on est toujours à la merci de ce qui se passe en haut. Non seulement des blessures en bas, il y en a eu en haut, puis évidemment, beaucoup de joueurs ont été rappelés. Moi, je pense que c'est une équipe qui bagarre fortement à tous les matchs. On est allé chercher deux gros matchs, deux grosses victoires contre Toronto et Belleville au cours des 2 derniers matchs. Et là, tu te retrouves en fin de semaine, là, un week-end extrêmement important. Pour moi, c'est la fin de semaine la plus importante du Rocket parce que tu affrontes 2 formations qui traversent des moments difficiles par les temps qui courent. Et en plus de ça, le Rocket qui va quitter sur la route pour 7 de ses 8 prochains matchs au mois de janvier. Donc, ça sera pas facile. Donc, c'est important de remporter les 2 matchs en fin de semaine parce que le reste du mois va être compliqué. Il va y avoir certains joueurs qui vont revenir de blessures, par contre. comme Phil Varone, là, qui est tout près d'un retour, lui, ça va faire beaucoup de bien. Il a pas joué depuis plus de 2 mois. Mais comme je le disais, tellement eu de rappels, les blessures. T'sais, Hudon a été parti pendant 9 matchs. Même chose pour Barber qui vient de revenir. Mm. Mathieu Pekka a été rappelé, il s'est blessé. Il y a eu quelques joueurs en défense qui ont été rappelés qui sont revenus. Mais Evey Demo qui est toujours à Montréal, Ryan Fairley, bref, vous les connaissez tous. Ouais. Ce sont des joueurs qui ont amorcé la saison à Laval. C'est sûr et certain que le portrait serait complètement différent si le Rocket avait eu tous ses éléments depuis le début de la saison. Mais à un moment donné, la situation est pareille partout. Là. Il y a des rappels partout, il y a des blessures partout. C'est sûr et certain là, qu'une saison de la Ligue américaine, c'est très, très rare que tout va aller sur des roulettes. Il va y avoir constamment des joueurs qui vont manquer quelque part. Andrew Stewart, qui était acquis hier de l'Organisation des sénateurs d'Ottawa, quel plan que Joël Bouchard entend lui donner? Ah, ben en fait, Andrew Sturt a été blessé la majorité de la saison passée. Je pense qu'il y a une quinzaine de matchs seulement à Belleville. Okay. Cette année, même chose, il a beaucoup blessé. Il n'a pas joué depuis plus d'un mois. On dit qu'il est toujours sur le carreau, là. Donc il ne jouera sûrement pas fin de semaine. Il n'est pas encore arrivé à Laval. Faut pas s'attendre à un rôle de premier plan dans son cas. Là, c'est un joueur qui était souvent retranché de la formation du côté de Belleville. Ni plus ni moins, là, faut voir la situation en face. Belleville, en fait, les sénateurs d'Ottawa se sont débarrassés d'un contrat. Ils en ont acquis un avec Riley, Mike Riley. Donc, on voulait évidemment donner un contrat en retour là, pour se commettre à la limite de contrat de 5 ans de la Ligue nationale. Donc, je pense que une question de blessure dans tout ça. Ouais, ouais. Il y a tellement eu de blessés là, ici à Laval qu'un joueur capable de jouer dans la Ligue américaine, ce ne sera pas de refus, c'est certain. OK. On va faire une pause, Anthony, puis je veux te parler des joueurs qui sont à Laval. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket sur les ondes d'Internetsport.com. Au nom du conseil d'administration de la Ligue GMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de l'année. Joyeuses fêtes et soyez prudentes pendant cette période de festivités. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuet Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuet Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-9595. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. On est de retour, Anthony, avec toi, Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket de Laval. Anthony, je veux te parler de 3-4 gars qui sont à Laval, qui sont des prospects éventuellement pour le Canadien. D'abord, Kaylin Primo, on le dit qu'il a été déçu de son renvoi à Laval. Est-ce que ça s'est replacé dans son cas? Oui, ben il a été très bon là, à sa dernière sortie contre Toronto la fin de semaine dernière. Ouais. Il va jouer d'ailleurs ce soir contre Lehigh Valley. Je dirais que la première moitié de saison, ça a été marqué d'un haut. Très bon départ pour lui dans les 6 premières semaines. Par la suite, ça a été un petit peu plus difficile. On l'a rappelé à Montréal, il a été bon dans ses 2 matchs avec le Canadien. Quand il est revenu, performance plus difficile à 2 reprises. Mais je pense que c'est normal dans les circonstances. C'est un jeune gardien. Ouais. Et je pense que la situation du début de saison, avec Charlie Lindgren, ça lui servait bien. On alternait les départs. Un départ à Lindgren, l'autre du côté de Primo. Je pense que ça, c'était une bonne situation pour lui. Et ça semble vouloir se poursuivre présentement avec Kincaid. On s'échange le filet. Alors, moi, je pense que c'est une saison d'adaptation pour lui. Soyons patients dans le cas de Primo. Il y a un énorme potentiel. Je pense pas qu'on en soit encore rendu là, à brûler les étapes dans son cas. OK. Josh Brook, lui, c'est, comment ça va dans son cas? Lui qui avait connu une excellente saison dans l'Ouest l'année passée. L'an départ, mais je te dirais là, que depuis un bon mois, là, je te dirais que le mois de décembre a été un très bon mois pour moi, un mois pour Josh Brook. On l'a gardé sur une paire avec Carl Osner dans la majorité des cas. Et ça lui sert bien présentement. Il joue avec un vétéran. Et on a besoin de lui présentement à Laval. Il est le seul défenseur du Roitier dans l'organisation présentement. On joue à 5 gauchers. Donc lui, il obtient beaucoup de rotation. On le voit en infériorité numérique, sur l'avantage numérique. C'est un des joueurs les plus utilisés de l'équipe. Alors moi, je pense que ça s'en va dans la bonne direction pour lui. C'est sûr que si tu regardes ses statistiques offensives, c'est pas très impressionnant comparativement à ce qu'il faisait dans l'hockey junior. Mais oui. Qu'on le veuille ou non, la Ligue américaine, ce n'est pas une ligue très offensive. C'est pas une ligue où les défenseurs habituellement vont aller chercher énormément de points. Et je pense que au niveau de l'organisation, on veut de toute façon qu'il s'améliore dans les deux sens de la patinoire, dans son territoire. C'est là où de temps en temps, Brooke peut s'avérer vulnérable. Mais moi, présentement, lui et Jake Evans montrent la meilleure progression des jeunes joueurs du Rocket depuis le début de l'année. Jake Evans, parle-en de Jake Evans. Écoute, ça avait mal commencé l'année. Il avait eu de la misère à s'inscrire au pointage parce qu'il avait eu 10 matchs sans but. Mais là, comment ça va dans son cas? Très bien. Il est en feu, Jake Evans. Vraiment, là, ça va très bien pour lui. Il a 6 points ses deux derniers matchs. La chimie opère avec Charles Hudon présentement. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de la part de Evans. Pour moi, il est le prochain à devoir se mériter un rappel avec le Canadien. C'est sûr que présentement, on a rappelé Lucas Vaidemo. Lui, il est davantage capable de jouer à l'aile. On n'a pas vraiment vu Evans à l'aile là, depuis le début de sa carrière professionnelle. Je ne pense pas qu'on le voit vraiment là, éventuellement. Donc, c'est à suivre, mais je pense que Evans est dans de très bonnes dispositions présentement. Il vient de prendre la tête des marqueurs de son équipe. 24 points en 35 matchs. Malgré un très lent départ. Donc, moi, je pense que ça va très bien dans le cas d'Evans. C'est-tu un joueur qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire? Moi, je pense qu'il peut jouer comme un joueur de troisième trio dans la Ligue nationale éventuellement. C'est-tu ce genre de gars-là? Oui, je pense que oui. Écoute, c'est peut-être pas un marchand de vitesse, mais je pense que depuis le début de sa carrière pro, depuis l'an passé, il a amélioré cette facette de son jeu. On a constamment mis l'accent sur son jeu défensif aussi. Parce qu'il est habitué de marquer des buts dans le collégial américain. Moi, je pense que dans les deux sens de la patinoire, il va être capable de tirer son bout. Est-ce qu'il va être capable de jouer de façon durable dans la Ligue nationale? Ben, seul l'avenir le dira. Mais je pense que c'est de bonne augure dans son cas. OK. Et le dernier que je voulais te parler, c'est Lucas Vaidemo. Vaidemo qui est à Montréal. C'est quoi son genre de gars? C'est le style de joueur de Lucas Vaidemo? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas le comparer avec Jacob Delarose. C'est un petit peu le même style de joueur. Okay. Peut-être moins physique un peu que Delarose. Meilleur coup de patin, cependant. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la part de Vaidemo. Il a une excellente explosion. J'étais présent au Centre Bell hier, le match contre Tampa Bay. J'ai beaucoup aimé son match, malgré le fait qu'il jouait sur le quatrième trio. On l'a remarqué à chacune de ses présences. Il a eu une bonne chance de marquer en première période. Très impliqué le long des rampes. Son coup de patin, pour moi, va l'aider à jouer un jour dans la Ligue nationale. Je pense que c'est sa grande force et son bâton aussi. Constamment bien placé, capable de couper des passes. Mais ça, on va davantage le voir si on le place au centre plutôt qu'à l'aile. C'est là où son bâton actif va être plus mis à contribution, je pense. À l'avant, on l'a beaucoup utilisé en infériorité numérique, marqué des buts dans cette facette du jeu. Donc, moi, je me place dans le camp des fans de Lucas Vaidemo. Okay. C'est un bon jeune garçon et j'espère un jour le voir dans la Ligue nationale. Ben Anthony, merci beaucoup. Je voulais faire un peu le portrait de ce qui se passe dans la Ligue américaine avec les prospects puis voir comment ça va. Et on espère évidemment une place dans les séries éliminatoires pour le Rocket. Si le Canadien, ça semble de plus en plus difficile, mais le Rocket, écoute, au moins, ça commence là. Hein. Même si les meilleurs prospects du Canadien ne sont pas à Laval, là, il faut au moins que tu fasses ces séries parce que ça fait plusieurs années que je pense que c'est une fois en 6 ans, je pense, quelque chose de même. Oui, en fait, tu as raison, c'est exactement ça. C'est une seule participation aux séries en 6 ans. Présentement, le Rocket serait exclu du portrait. Mais tu as 2 points présentement, donc il n'y a rien de joué. Et comme tu le dis, dépendamment de ce que le Canadien va faire, est-ce qu'on va laisser glisser les choses? Est-ce qu'on va se accrocher pour tenter de se qualifier pour les séries? Si c'est le cas, je pense que le Rocket va être en bonne posture, mais si ce n'est pas le cas et qu'on arrive au mois de mars et que le club n'est plus dans le portrait, on va probablement sortir quelques éléments. Et c'est là que le Rocket pourrait écoper. On pourrait rappeler certains joueurs là, pour combler des postes d'ici la fin de l'année. Donc, on va être un petit peu à la merci des décisions que Marc Bergevin va prendre, mais parier là, sur Joël Bouchard pour bien préparer son équipe, quoi qu'il en soit. Et on va tenter là, justement de se qualifier pour les séries. Je serais vraiment curieux de l'ambiance qui régnerait ici à la Place Belle si jamais l'équipe faisait les séries. Je pense que ce serait vraiment, vraiment plaisant de vivre ça pour la première fois. Les instances sont quand même bonnes. Au niveau de la Ligue américaine, ils sont combien, les Rockets? J'ai pas évalué pour ce qui est de partout à travers la Ligue, là, mais c'est certainement parmi le premier tiers de la Ligue. Okay, au niveau c'est bon. C'est très bien. Encore en fin de semaine, on a surtout ce soir là, contre Lehigh Valley, on a été très actifs au niveau du marketing. On devrait remplir la capacité de palier inférieur. Là, ça, c'est plus de 7000 spectateurs. C'est intéressant. On est agressif sur le marketing. On est original aussi dans les idées. Et aujourd'hui, on porte d'ailleurs un troisième chandail d'époque qui est très bien réussi d'ailleurs. Et en plus, c'est une soirée d'époque et les 3000 premiers partisans vont recevoir un paquet de cartes d'hockey. Sauf que le visage des joueurs a été transformé. Si vous n'avez pas vu ça, là, je vous invite à aller voir les cartes d'hockey là, qui sont disponibles sur Internet. C'est très bien réussi et surtout très original. Anthony Marcotte, un gros merci. On s'en reparle éventuellement. Salut, Daniel. Du match du Rocket de Laval, Anthony Marcotte.